destin était ce giron, même si tes devoirs te contredisent. Pourquoi persistes-tu dans les écharpes, éclat d'un avenir jadis assuré, de Calderon et Shakespeare. J'ai appris que la vie est un songe, et en rêvant, j'ai fait de mes rêves réalité, de cités, d'éléphants et de criques secrètes. Tu es la prophétesse de mon aurore, à qui j'ai confié mes promesses, de château et de monde éternel, de justice sans châtiment. Prends le sable du temps et bâtis un alcazar dans l'air, car mes navires prennent déjà le large, blessant les dragons qui t'emprisonnent. Prophétesse de mon aurore, à qui j'ai confié mes promesses.